Vous êtes assise en face de votre mec et vous vous demandez pourquoi vous êtes encore avec. Pour vous, il ne fait pas preuve de beaucoup d'attention. Voyez, vous êtes au Pizza Hut pour le soir du réveillon. Oh. Donnez encore une chance de changer dans sa tête. Ou vous voulez pas vous retrouver seul, allez en plage 17. Si vous en avez jusque là, de lui et de sa mozzarella, que vous le larguez là tout de suite, allez en plage 18. Oh, yeah, yeah, R&B 50.